septembre à Genève. Retrouvez nos émissions sur la page Facebook de Vacarme. N'hésitez pas à la commenter, à la partager. D'ici là, très bon après-midi à l'écoute de nos programmes. Tout de suite, c'est Histoire vivante sur la première. Jean Leclerc et Frédéric Pfeiffer vous proposent Histoire vivante. Cette semaine, la coopération judiciaire. Pourquoi me l'avoir caché ? Du devoir mutuel et universel. Vous êtes tous en état d'arrestation. De la réciprocité punitive entre les ressorts souverains. On peut maintenir une société avec la peine de mort, ça n'a aucun impact sur la criminalité. Ces négociations, très souvent, ont lieu dans une dynamique de type diplomatique. On attache le supplicié sur la roue, c'est des sortes de panneaux indicateurs. Attention, vous entrez là, dans une seigneurie où on applique la justice. Entre le XVIe et la fin du XVIIIe siècle, toute femme non mariée enceinte doit se dénoncer ou est dénoncée. Galérien, parez à Souquet ! La durée des peines n'était pas respectée, donc que vous soyez condamné à 5, 10 ou à perpétuité aux galères, vous ne saviez pas quand vous sortiriez des galères. Michel Poiret, voulez-vous bien, puisque nous allons nous y intéresser toute la semaine, en l'occurrence à la revue Beccaria, qui en est à son numéro 3, nous raconter un peu l'origine de cette revue, sa naissance. Bonjour Jean Leclerc, merci de l'invitation. Donc effectivement, la revue Beccaria, revue d'histoire du droit de punir, est née maintenant il y a 4 ans. On prépare le 4e numéro sur les grandes catégories de l'abolition. L'idée était de donner un support éditorial sous forme papier, j'insiste beaucoup, sous forme papier, une revue qui allie une qualité rédactionnelle très forte avec des contributions originales et puis une forme éditoriale assez élégante. L'idée était de consacrer une publication qui soit une espèce de forum ou d'arène du débat pour revenir, réexaminer, réhistoriciser les propositions beccariennes ou les propositions que Beccaria fait en 1764. Donc cette revue rassemble des chercheurs européens et leur permet, numéro après numéro, de revenir sur le problème de l'abolition, le problème de la coopération judiciaire, le problème de la discussion sur la torture. Donc ça, c'est un point. L'autre point, le moment Beccaria commence en 1764 et d'une certaine manière ne s'est pas interrompu jusqu'à aujourd'hui. Mais avant qu'on aille sur ce moment-là, pardonnez-moi de vous interrompre, Michel Poiret, mais est-ce aimer les difficultés que de choisir d'aller sur le papier? Puisque, vous le savez comme nous tous, le papier a quelques difficultés de nos jours. Donc, d'aller délibérément dans cette direction-là, suppose qu'il y a, comme vous l'avez dit, une intention délibérée. Quelle est-elle plus précisément? Alors peut-être qu'il y a deux postures derrière. Il y a une posture qui est liée à ma propre biographie. Je suis venu du milieu du livre, de la librairie. Je crois qu'il est important de pouvoir continuer à aller dans des séminaires et montrer des livres aux étudiants. Je pense que la cohabitation entre le papier et le virtuel est possible. Et d'autre part, la revue Beccaria, revue d'histoire du droit de punir, c'est une niche assez particulière, répertoriée et reprise dans les bibliothèques. Et d'une certaine manière, elle a une niche singulière du fait de sa couleur, de sa forme très portable. Donc c'est pour ça que j'ai choisi de commencer avec le papier. Ça ne veut pas dire que dans une durée moyenne, avec l'éditeur Gare qui nous a soutenus depuis le début, ainsi qu'un sponsor genevois, ça ne veut pas dire qu'effectivement, à partir du numéro 4 ou 5, selon les règles habituelles, eh bien les premiers numéros seront en ligne. Mais je tiens beaucoup à cette espèce d'irruption sur le marché de la discussion sous forme d'un livre. D'ailleurs, le format ressemble à une espèce de revue de poche. On peut le décrire, d'ailleurs. Oui, c'est rectangulaire, jaune soleil, avec un titre en rouge. Le logo de la revue, c'est le fameux frontispice extraordinaire qui est mis dans la deuxième édition, je crois, du Beccaria des délits et des peines. On a la justice qui se détourne définitivement de la figure du bourreau, qui lui tend une tête avec les attirails du supplice. Donc j'avais envie que, je dirais, dans le débat, et ça marche, on fasse irruption avec du papier. Je vous ai interrompu, pardonnez-moi, Michel Poiret. sur le moment et le beccaria en question. Il est question d'un personnage extrêmement haut en couleur, mais vous l'admettrez, connu de vous, mais fort méconnu de beaucoup de nos contemporains, à commencer par moi. Alors, je me suis, à cause de vous, intéressé et penché sur le bonhomme, mais seulement j'en suis au tout début. Qui est donc ce bonhomme et qu'est-ce qui nous faut le plaisir de la rencontre ? Donc, c'est un personnage qui est issu des élites milanaises, qui a une vie qui passe par une éducation rigoriste, qui ensuite pénètre sur l'espace de Milan. Hein, Milan est une capitale des Lumières au XVIIIe siècle. Et il fait partie d'un club qu'on appelle le club du café, dans lequel, dans ce club-là, se retrouve toute une série de personnages, peu importe les noms maintenant, qui réfléchissent sur les grandes questions que pose, d'une certaine manière, la modernisation de la société au XVIIIe siècle. C'est un club savant. C'est un club où on lit les encyclopédistes, c'est un club où on lit Montesquieu, c'est un club où on lit les Lumières radicales. Une des grandes questions qui est mise à l'ordre du jour un peu partout en Europe, dans la pratique pénale, c'est le problème de la pénalité. Pour rappel, l'Europe du XVIIIe siècle, qui est unifiée par le pénal, hein, que l'on soit en France dans un régime absolutiste, ou à Genève dans un régime républicain, avec des régimes confessionnels en plus totalement différents, catholicisme, protestantisme, peu importe où l'on soit, on a une justice qui fonctionne à peu près sur le même modèle, et pour le résumer très rapidement, le modèle est le modèle patibulaire. Au cœur de la justice, au cœur de la rétribution, il y a la culture patibulaire, c'est-à-dire ce qui se joue sur l'espace public pour punir l'homo criminalis, comme on le dit à cette époque, c'est-à-dire essentiellement par des peines corporelles qui se gradent en trois grandes catégories, la peine de mort, l'envoi aux galères ou le bannissement après une série de peines corporelles comme le fouet, la marque, etc. Donc l'Europe des Lumières vit sous le régime de la justice patibulaire. Ces libéraux de Milan, Pietro Verri, Cesare Beccaria, qui réfléchissent à la manière, un tout petit peu, de moderniser la société, s'attaquent à cette problématique de la justice patibulaire. Et assez rapidement, l'écriture du livre est compliquée, parce qu'il y a une partie collective derrière le livre de Cesare Beccaria, mais assez rapidement, Cesare Beccaria va se mettre à la rédaction de cet ouvrage, « Des délits et des peines », qui va paraître à Livourne en 1764, sous le couvert de l'anonymat, et qui va devenir, très rapidement, on peut presque l'affirmer d'une manière péremptoire, le best-seller des Lumières. Le best-seller des Lumières. C'est un ouvrage qui va être édité, réédité, traduit, contrefait, re-réédité, retraduit, recontrefait, et en fait, il inonde l'Europe des Lumières en 1764 et la fin du XVIIIe siècle. Son retentissement est tellement fort que les pères fondateurs de la Révolution américaine vont puiser chez Cesare Beccaria certains principes de la modernité pénale. Est-ce que on doit comprendre, Michel Poré, que dans les lignes des délits et des peines, il y a à la fois l'intelligence des situations telles qu'elles sont posées, mais également des propositions suffisamment crédibles, parce que vouloir s'opposer à un système patibulaire, comme vous l'avez défini, c'est quand même se heurter à une très grande muraille. Il faut donc des arguments. Alors on peut prendre un exemple. Encore une chose, c'est un livre qui a une prétention universaliste. On peut dire que Des délits et des peines, depuis 1764, traduit ce qu'on a appelé le cosmopolitisme des Lumières. C'est-à-dire qu'on travaille, qu'on pense, qu'on articule les idées sur une généralité, avec au cœur de cette réflexion sur le pénal, les droits naturels des individus. C'est-à-dire qu'on ne peut pas construire un système contre un individu, que ce soit un système religieux, un système politique, qui va à l'encontre des droits naturels que sont, par exemple, la jouissance de la liberté. Maintenant, l'argumentation, alors évidemment, le livre va surtout être connu par les Lumières, par ceux qui vont y adhérer, par ceux qui vont le réfuter, autour d'un point essentiel qui est le chapitre sur la peine de mort. La peine capitale, la mort pénale, peu importe ce qu'on utilise comme formulation. Beccaria, d'une manière extrêmement radicale et simple, centrée dans toute l'argumentation, nous dit fondamentalement dans une société qui est basée sur le contrat social, où la peine doit servir à resocialiser, où la peine ne doit plus être marquée par des catégories religieuses, de l'expiation par exemple, la peine de mort est devenue définitivement inutile. On ne peut plus l'utiliser et on ne peut plus l'appliquer pour des raisons assez simples, il en donne quelques-unes. D'abord, on peut maintenir une société avec la peine de mort, ça n'a aucun impact sur la criminalité. Il n'y a pas de relation entre un haut niveau de peine de mort et un bas niveau de criminalité. Beccaria le démontre empiriquement d'une manière extraordinaire. Ça, c'est le premier argument. Le deuxième argument de Beccaria, qui était un humaniste libéral, économiste aussi, il y a toute une série de facettes à Beccaria, utilitariste avant la date, c'est de dire finalement ce qui compte dans une société dans laquelle le pénal est indispensable, il n'y a pas de société sans le pénal, c'est une pénalité qui vise d'une certaine manière à resocialiser l'individu, quel que soit le comportement ou quel qu'ait été le crime de cet individu. Donc sur ce calcul démographique, économique, politique, chaque vie compte finalement dans la courbe politique de la population, eh bien la peine capitale n'a pas de sens puisque finalement elle contrevient à cet ingrédient politique fondamental. Et puis le troisième argument de Beccaria, évidemment, c'est le problème de l'erreur judiciaire, c'est-à-dire que, évidemment, une fois qu'on a condamné à mort quelqu'un et que se pose après, peut-être, le problème, est-ce qu'on a condamné un innocent ou pas, c'est une peine sur laquelle on ne peut pas revenir en arrière, donc elle est irrémédiable. Autour de ces trois arguments, il y en a d'autres, il y en a un aussi qui est un argument de psychologie sociale, hein. Il dit d'une certaine manière, les criminels endurcis, eh bien, vivent très aisément avec l'idée de la peine de mort, ça fait partie des risques du métier. Donc ces trois ou quatre éléments sont des éléments assez rationnels, et comme vous le disiez tout à l'heure, ils touchent. Ce qui est intéressant, c'est de regarder ceux qui vont le contester. Proposer l'abolition de la peine de mort en 1764, c'est remettre en question un des attributs fondamentaux de la souveraineté politique depuis le XVIe siècle. La souveraineté politique s'est construite au XVIe siècle avec cette idée, on vous gouverne, vous renoncez à la vengeance, nous récupérons la peine capitale, et la peine capitale fait partie, d'une certaine manière, de l'exercice, comme le disait Foucault, de l'exercice de la souveraineté sur les individus. Donc ce livre va provoquer, en ce qui concerne les tenants du système traditionnel, un tollé absolument invraisemblable, parce que, d'une certaine manière, il touche un des piliers de la souveraineté moderne. Mais de quels outils peut disposer Beccaria et le cercle qui est autour pour parvenir à cette argumentation? On n'est pas évidemment encore à la naissance de la statistique, on en est loin. Donc comment s'y prend-il? Il est homme de lettres, est-ce que cela suffit? C'est donc dans la rhétorique? C'est compliqué, c'est un homme de lettres évidemment qui a une formation juridique, je ne l'ai pas dit, il a étudié à Modène, il a fait des études de droit, fils d'aristocrate, grande bibliothèque, etc. Maintenant la question est très intéressante parce que c'est véritablement ce qu'on pourrait appeler de la philosophie empirique. Les statistiques, évidemment, n'existent pas. Si elles existent, ils ne les connaissent pas encore. Bien que Beccaria ait une sensibilité extrêmement forte à l'économie publique, il va d'ailleurs enseigner quelques années après la publication du Délit et des peines, il aura la première chaire européenne d'économie politique. Donc toute l'approche est une approche que l'on pourrait dire philosophique, morale, politique. Et c'est aussi une approche qui intègre les retentissements des grandes affaires criminelles qui ont révolté l'opinion publique au XVIIIe siècle. Il y a quelqu'un ici qui est mort de mort violente? Oui, monseigneur. Mon fils, Marc-Antoine. Quand avez-vous trouvé le corps? Il y a moins d'une heure. Notre invité, monsieur Lavesse, et mon fils Pierre l'ont trouvé là, comme vous le voyez. Monnier, notez ce que dit monsieur. Monsieur... Calas, monseigneur. Jean Calas. Je suis marchand drapier. Vous êtes de la religion prétendue réformée? Oui, monseigneur. Tous? Sauf Jeanne, notre servante. Elle est catholique. Pourquoi me l'avoir cachée? Mais monseigneur, vous ne me l'avez pas demandé. Vous auriez dû le déclarer spontanément. Ce ne sont pas des choses que l'on dissimule. Surtout dans ces circonstances. Vous êtes tous en état d'arrestation. Ah, monseigneur, ce n'est pas le droit. Faut bien voir. On a raison de se méfier. Emmenez-les. Par exemple, l'affaire Callas, quelques années avant des délais des peines. Ou par exemple, l'affaire du chevalier de la barre. Donc toute une série d'affaires, peu importe leur chronologie, qui marquent les esprits à ce moment-là. C'est ce qu'on appelle les causes célèbres. Et ces causes célèbres deviennent tellement célèbres, Voltaire l'a montré avec à la fois le chevalier de la barre et l'affaire Callas, tellement célèbres qu'on ne supporte plus cette idée qu'on puisse mettre à mort des individus, notamment pour des problématiques liées à, soi-disant, des transgressions religieuses. Donc il y a à la fois chez Beccaria et l'école de Milan, ce qu'on l'a appelé l'école de Milan, une approche philosophique, politique, c'est-à-dire qu'on est idéologiquement opposé à la peine capitale, on n'en veut plus. C'est des gens qui ont vu des exécutions, évidemment. À Milan, il y a pas mal d'exécutions, notamment pendant la période autrichienne, même si c'est un despotisme éclairé et modéré. Et donc il y a le regard, il y a le spectacle de la douleur, comme l'appelait Peter Spierenberg. Et puis il y a véritablement cette approche économiste, philosophique, politique, qui est une argumentation rhétorique sur les fondements du pénal. Les fondements du pénal doivent reposer sur l'idée que l'on construit un contrat social. Rousseau est dans l'ombre de toute cette affaire, et que la meilleure adhésion aux lois, aux normes, c'est une adhésion qui ne se fait plus par la violence des normes, mais qui se fait par l'adhésion des individus au contrat social. Donc il est évident qu'un système punitif, un système normatif qui est basé sur l'échafaud, par exemple, eh bien d'une manière générale, ce n'est pas construire une adhésion aux normes par la volonté des individus, mais c'est construire une adhésion aux normes par la discipline, par la violence, etc. Michel Poret, nous évoquons le cas de Cesare Beccaria. Beccaria qui révolutionne considérablement le droit pénal. Il va avoir ses détracteurs, profilez-nous les détracteurs, mais également de la façon dont des délits et des peines va progressivement, si j'ose dire, s'insinuer dans la société. C'est très compliqué parce que l'histoire de la réception, c'est la question. L'histoire de la réception beccarienne, elle est pour l'instant à un état particulier qui est celle de l'histoire des idées. On connaît très bien le retentissement des idées de Beccaria chez les intellectuels de la deuxième partie du XVIIIe siècle. Voltaire appelle Beccaria son frère en philosophie. Brissot de Varville, qui est un réformateur de la fin du XVIIIe siècle, publie une énorme encyclopédie du droit pénal qui est un éloge à Beccaria. Donc on pourrait multiplier les exemples. J'ai parlé des Américains qui vont aller chercher, les pères fondateurs vont aller chercher dans des délits et des peines des arguments. Les bourgeois de Berne, dans les années 1770, grâce à un prix payé en sous-main par Voltaire, lui offrent une médaille. On pourrait multiplier. J'avais fait un livre il y a quelques années qui s'appelait « Beccaria, la culture juridique des Lumières » où on avait essayé de mesurer le retentissement européen. Le problème, il est là. Le problème, il est que finalement, d'une certaine manière, la réception positive de Beccaria est particulièrement positive chez les représentants des Lumières les plus radicaux, qui sont persuadés de l'idée du contrat social, de l'idée qu'on ne touche plus le corps pour punir, de l'idée aussi qu'on retrouve exprimée chez toute une myriade de juristes ou de praticiens qui ne supporte plus le fait qu'il n'y ait pas de normes bien établies au XVIIIe siècle. La légalité n'existe pas. La légalité, ce sera le code de 1791. Donc cette réception, là, on la connaît bien. Mais elle est vraiment du côté des idées, du côté des concepts, des idées, des doctrines. J'ai dit, on peut écrire un livre. Hein, j'avais proposé ce concept il y a quelque temps dans un autre livre que j'ai fait avec une collègue, un livre collectif. Il y a un moment Beccaria, hein, c'est-à-dire un moment dans le sens où on peut presque le dire comme ça, de 1760 à l'aube de la monarchie de Juillet ou de la Restauration, tout le pénal se discute autour des propositions beccariennes. Donc c'est un moment qui ne s'arrête pas. Maintenant, la réception pratique, elle est très compliquée, elle est mal connue. Parce que pour travailler sur la réception pratique, il faut véritablement repartir vers l'archive criminelle, ressortir certains procès dans lesquels notamment il y a la problématique qui est mise à l'ordre du jour d'une condamnation capitale, ou alors aller chercher une réception chez des théoriciens du droit qui discutent entre eux et qui discutent par exemple des possibilités de construire la légalité des délits et des peines. Je suis en train de travailler avec mes étudiantes sur un dossier extraordinaire qui est la dernière femme exécutée à Genève en 1769. Après 1769, c'est un scoop que je vous donne, Jean Leclerc, il n'y a plus de femme exécutée à Genève. Cette femme, Pernette Haller, a tenté d'empoisonner son frère pour éviter à son frère d'être pendu. Elle intègre l'idée que son frère, qui est un voyou de quartier, va terminer sa vie d'une manière patibulaire. Cette fille, qui est un peu simple, qui a une vingtaine d'années, va fabriquer une tarte, truffer cette tarte d'arsenic et offrir ça à son frère. Le frère va survivre, elle va être arrêtée, et comme le poison à cette époque-là est le crime qui est tout en haut de l'arsenal pénal, même en tentative, elle est condamnée à mort. Elle est condamnée à mort d'ailleurs dans un débat local extrêmement serré, parce qu'elle est un peu simple, elle est jeune, elle a un passé exemplaire. Le procès se ramène, disons, c'est un peu modernisé de dire le procès se ramène, mais disons, le procès se ramène en deux positions. La position du procureur général, qui va réclamer l'échafaud, qui va l'obtenir, et puis la position d'un avocat libéral, Dunant, qui fait un énorme plaidoyer pour essayer de sauver cette femme. Et là, pour une des toutes premières fois dans la pratique, on a une page qui dit, messieurs, vous avez le choix devant cette femme. Le procureur a demandé la peine capitale, mais je vous rappelle qu'il y a quelqu'un, à Milan, il y a quelques années, qui a publié un petit ouvrage et qui montre que la peine capitale n'a aucun sens, qu'elle n'a pas d'effet social, qu'elle est inutile et qu'elle est injuste. Et en une page, on a un argumentaire de la réception dans un avocat protestant, républicain, Genève, qui utilise l'argument d'un aristocrate milanais d'ascendance noble, etc. Donc ce type de travail-là, sur la réception pratique, il est encore à faire. Ça, c'est un exemple magnifique. L'avocat perdra. Je dirais, les circonstances du crime vont l'emporter sur le cas de cette pauvre fille. L'empoisonnement est abominable à cette époque-là. Et elle sera pendue glorieusement en 1769. Voilà, donc c'est pour ça que je reviens sur cet exemple, parce que ce travail de la réception beccarienne, on le connaît bien au niveau théorique. On le connaît bien dans l'histoire de la culture juridique des Lumières. De la même manière, on le connaît bien, ça c'est une autre histoire qui est énorme, dans ceux qui contestent Beccaria. Ça aussi on le connaît bien, hein, parce qu'il y a eu des pamphlets contre, il y a eu des mémoires d'avocats contre, etc. Mais on connaît très mal, je veux dire, le terreau de la pratique dans lequel ces idées sont en train lentement de pénétrer. Michel Poret, je ne sais pas si ma question est très adroite, mais je vous la pose quand même parce que c'est difficile d'y résister. Beccaria a plus que l'intention de faire bouger les lignes. On se connaît un peu, on a parfois parlé hors antenne, vous et moi, et je crois pouvoir dire que vous entrez un peu également dans cette catégorie, avec le souhait de faire bouger les lignes. D'ailleurs, pour ceux qui l'ignoreraient, vous ne travaillez pas seulement à l'université, on peut vous lire dans un blog que vous avez, qui est hébergé par le journal Le Temps, et vous posez votre regard sur la société de votre temps. Vous ne faites pas seulement un travail d'historien, votre travail d'historien irrigue, nourrit, enfin je ne sais pas, c'est la poule et l'œuf, votre regard sur aujourd'hui. On oserait parler de filiation entre Beccaria? Je conviens que c'était embarrassant, mais voilà. Si on va vers des détails biographiques, c'est plutôt embarrassant. Mais en ce qui concerne les idées, évidemment, les idées sont... je pense que ces idées sont très importantes. C'est un tribut à l'humanisme des Lumières, c'est un tribut à une forme de progressisme. Hein. À cette époque-là, Beccaria s'inscrirait dans un champ progressiste, très fortement, anti-autoritaire, libéral. Donc ça, c'est un point. Et puis, c'est une filiation aussi, vous avez raison d'insister là-dessus, c'est une filiation qui a été, à travers celle de mon maître regretté, Bronislav Batchko, parce que finalement, revenir sur Beccaria, c'était aussi revenir sur un des filons de la pensée de Batchko, qui était les Lumières comme dispositif, culture, critique. Hein. En s'intéressant aux Lumières, on ne peut pas s'intéresser que d'une manière érudite aux Lumières. On doit essayer de prendre ce qu'il y avait de meilleur dans les Lumières pour essayer de penser un tout petit peu le rapport que nous avons au présent, au monde contemporain. Et puis la troisième filiation, alors là, elle est très importante, c'est la réflexion sur la fascination politique de punir. Beccaria nous a mis en garde en disant « faites attention à la passion de punir, parce qu'à la fin, elle reviendra contre vous-même aussi ». Le punir qui se détacherait de la finalité même, de l'objet de la punition, du sujet de la punition, c'est-à-dire l'homme, l'individu, etc., eh bien, ne doit pas être sous-estimé, doit être au cœur d'un système pénal, et la punition ne doit pas fonctionner simplement pour une fascination de la construction d'une société sécuritaire. C'est curieux avec Beccaria, parce que finalement, c'est l'homme d'un seul livre. Il n'y en a qu'un. Ah, il n'y a qu'un livre. Ouais. Petit livre, une centaine de pages. Je le répète, hein, on ne sait pas assez, le best-seller des Lumières. Si on fait un travail quantitatif sur la librairie en 1760 et la Révolution, je pense qu'il est en tête de tous les toutes points, les ventes. Toutes les ventes, les points, les contrefaçons, les traductions. Il est immédiatement traduit en Espagne, au Portugal, au Danemark. C'est vraiment le best-seller. Tout dernier point, Michel Porret, il faudra y répondre rapidement. Beccaria, le numéro 3, ne porte pas de titre, ce qui doit être aussi le cas de Beccaria 2 et Beccaria 1, et certainement prochainement le Beccaria 4. Quelle est la logique éditoriale? La logique éditoriale, c'est une revue et pas un livre, et avec quelquefois un dossier particulier. La thématique de ce numéro, c'est un sujet sur lequel on ne connaissait strictement rien, parce qu'on pensait que c'était un problème uniquement contemporain, celui de la coopération judiciaire. Il se trouve que, travail d'archive de nouveau, si on redescend au niveau de l'archive à l'époque moderne, eh bien, il y a des dispositifs absolument extraordinaires entre des régimes politiques qui n'ont rien à voir, absolutistes, républicains, entre des systèmes confessionnels qui n'ont rien à voir, où les magistrats entrent en coopération judiciaire. Entre des États qui n'ont rien à voir au point de vue de taille, au point de vue puissance. Des États dont les souverainetés sont évidemment microscopiques ou léviathanesques, comme la France, on peut le dire ainsi. Et ça montre cette vieille idée que certains historiens du pénal ont écrit il y a bien longtemps, c'est que finalement, réellement en Europe, il y a eu, de fait, depuis la Renaissance, lentement, une unification de l'espace européen par le pénal, mais dans le cadre de ces souverainetés et de ces États différents. Donc c'est pas du tout rare que les magistrats protestants envoient demandent à un magistrat catholique de Lyon des informations sur quelqu'un qui est recherché et l'inverse. Et l'idée de Beccaria par rapport à la coopération judiciaire qui est très intéressante, c'est un petit passage du livre, c'est ce qui nous a donné l'idée de le mettre dans cette revue, c'est que finalement si les ressorts, c'est-à-dire les ressorts juridiques ne coopèrent pas, eh bien les criminels puissants peuvent s'échapper et qu'est-ce qui les attend? C'est l'impunité. Donc d'une certaine manière, c'est la naissance lente d'un système pénal qui essaye de neutraliser l'impunité. Histoire vivante, une émission proposée par Jean Leclerc, en collaboration avec l'unité documentaire TV de la RTS et le journal La Liberté. Réalisation, Jean-Philippe Zvalon. Assistanat de production, Corinne Rocha, Valérie Danton, Daniel Zacker. Réécoutez podcast sur histoirevivante.ch. Vous écoutez la première, il est 14h.